Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode des Projets du Web, épisode numéro 8. Salut tout le monde pour ce nouvel épisode des projets du web. J'ai une petite surprise pour ce nouvel épisode, c'est un co-animateur, Lucas. Je te laisse te présenter. Okay, moi c'est salut à tous, moi c'est Lucas, aussi connu sous le nom de Loco sur le net. Donc voilà, bon, je suis étudiant en informatique, bon, à part ça, rien d'autre à dire. Alors, William, le sommaire. Oui, allez hop pour le sommaire. Donc on va vous parler de FormSpring, de Google Latitude, d'un projet de service de VPN. Et après un petit débat sur iPhone, Android. Bon, bah, alors moi je commence par vous parler de FormSpring. Donc, FormSpring, c'est quoi? C'est un site, une espèce de site en fait avec une page d'accueil. Enfin, on se fait une page sur laquelle on peut recevoir des questions d'autres utilisateurs, pas forcément inscrits au site. Ces questions peuvent être posées de manière anonyme ou avec notre compte, et on peut aussi poser des questions à des gens, enfin, même à des célébrités, des personnes plus ou moins connues, ou même des anonymes. Après, une fois qu'on a, enfin, quand on a un compte, on reçoit des questions, on peut répondre à ces questions, on a le choix de répondre ou non aux questions. Ok. Et donc toi, Bah. tu as déjà essayé d'un ou de l'autre côté? Enfin, ouais, j'avais déjà posé des questions à plusieurs personnes, donc ils m'avaient répondu. Puis pour essayer un peu plus profondément, je m'étais fait un petit compte. Bon, j'ai pas reçu énormément de questions, bien sûr, mais enfin, ça m'a permis de voir un peu plus comment c'était. Le compte c'est relativement vite, c'est plutôt bien. Après, quand on reçoit les questions, donc on est prévenu. On peut même aussi répondre à des questions aléatoires qui sont générées, je sais pas comment, aléatoirement. Sûrement qu'ils ont un tas de questions préfaites, le logiciel. Et donc voilà quoi. Parce que j'avais eu l'occasion de tester aussi, je crois que c'était pour Patrick Béja et pour The Bully aussi. The Bully qui nous écoute en plus régulièrement. Donc un petit coucou à lui. Et oui, c'est assez sympa. Tu avais demandé des petites questions, c'était par rapport à Photoshop, etc. Donc c'est vraiment pas mal. On peut contacter entre guillemets ou poser des questions à des personnes, quelles que soient. Même si Quoi, elles les sont beaucoup questions. demandées, c'est vrai que. Parce que sur Twitter, c'est pas souvent facile de communiquer avec quelqu'un qui a beaucoup de followers. Et donc là, c'est vraiment plus facile de le faire, quoi. Puis répondre en 140 caractères, c'est pas toujours génial pour des questions C'est de pas toujours technique, mais évident, c'est ouais. vrai que ça fonctionne. Voilà, sur FarmString, c'est bien parce qu'en plus, ce sont les personnes qui répondent, ça reste des humains quand même, donc ils répondent pas énormément, enfin super vite à toutes les questions, donc ça laisse le temps de retrouver sa question si elle a été, si elle est passée ou pas, donc c'est plutôt bien. Donc voilà pour FormSpring. Et donc, tu voulais nous parler de Google Latitude? Si, ouais, Google Latitude, ouais, que j'essaye depuis quelques temps sur mon téléphone, HTC Magic sur Android. Donc en fait, Google Latitude, pour ceux qui ne sauraient pas, ça permet de se géolocaliser et de géolocaliser aussi les amis qui sont sur ce système. Et donc on peut recevoir, en fait, donc on voit en temps réel où ils sont placés, où on est placé, vice-versa, enfin dans les deux sens. Et on peut recevoir des alertes aussi quand on se retrouve assez proche de quelqu'un. Donc il nous prévient, telle personne était à telle distance de nous, puis on a une petite alerte sur le téléphone directement par mail. Donc bon, ça marche plutôt bien avec le GPS, ça marche plutôt bien, mais bon, l'intérêt il est assez limité quand même, je trouve. C'est vrai que c'est ce que je me demandais, parce que je me dis, enfin les amis autour de soi, c'est vrai qu'on peut vite fait envoyer un message pour aller boire un coup ou n'importe quoi, donc c'est vrai que c'est un peu. Je sais pas trop où est l'utilité. Après, par contre, ce qui me faisait penser à quelque chose, c'est que du coup, il fait tourner ton GPS en permanence, mais t'as pas un problème de batterie, après, au niveau de ça? Bah je pense. Bah franchement je pensais aussi, mais la batterie là, bon ça fait quoi? Ça fait une semaine que je l'essaye. Elle tourne presque H24 et non, franchement la batterie, j'ai pas senti de différence. Le Absolument. GPS il bouffe que dalle. C'est Ok. impressionnant quoi, le GPS il bouffe que dalle. Même en intérieur, c'est pas utile parce que dès que t'es en intérieur, bon il te situe très mal, donc même je le coupe pas quand même. Mais là, franchement non, aucun problème de batterie. Sinon, pour revenir sur l'intérêt, c'est vrai que enfin moi j'ai essayé qu'avec un seul ami qui avait aussi. Bon, l'intérêt, ouais, c'est vrai qu'il est vraiment limité. Après, ça peut servir si par exemple tu te retrouves en ville et qu'une autre personne aussi est en ville, sans que vous le sachiez, ça permet de se retrouver et tout. Mais bon, C'est à vrai, la ouais. limite, si C'est tu tant qu'à te faire. prévois, si à la base on... Ouais, je vois. À base, on se prévient pas qu'on veut se voir, voilà quoi. Ouais. Donc, perso, j'ai pas trouvé énormément d'intérêt. En fait, ce qui peut gêner certains, le fait d'être constamment géolocalisé et tout, enfin, là, à part tes amis, il y a personne qui est au courant d'où tu es, donc ça va, c'est pas comme Foursquare où c'est hyper communautaire et un peu n'importe qui peut savoir quoi. Donc, ouais, ça reste assez privé, c'est bien. Il y a cette possibilité, genre un petit peu de profil privé ou vraiment autoriser qui on veut, etc. Bah en fait, si pour voir, si, pour que quelqu'un puisse voir votre situation, faut qu'il fasse, qu'il t'envoie une demande d'ajout. Donc, il faut déjà que tu l'aies dans tes contacts mail avant et D'accord. tout. Et donc, en fait, même après, par personne, tu peux dire si tu veux afficher ta situation exacte, si tu veux afficher une situation approximative, je crois que c'est ça. Bah attends, je vais vérifier 2 secondes. Ouais. Donc, on a sa liste d'amis. Il y a marqué aussi par rapport à sa liste d'amis de conseils qu'il a mis à jour la dernière fois. Dans les options de partage, il y a partager les informations de localisation les plus précises disponibles, donc c'est-à-dire exactement où on est par rapport au GPS, ou sinon partager uniquement le nom de la ville, ou ne pas permettre à cet ami de me localiser. Donc on peut quand même accepter des gens, regarder où ils vont, sans qu'eux sachent où on va. D'accord. Bon, je sais que pas beaucoup de personnes utilisent Google Buzz, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de coupler l'attitude avec Buzz, du coup, parce que comme tu me disais, qu'on peut coupler les services Google ensemble, vu que évidemment l'attitude avec un compte Google, on peut y accéder. Et on peut voir vraiment, bah, c'est comme au niveau des tweets sur Twitter pour la localisation, géolocalisation, savoir exactement où un Géolocalisation. tweet est. Voilà, merci. Et donc on pouvait voir vraiment genre une carte de la France et on voyait qu'on avait pas mal de buzz, je sais pas, sur le nord, etc. Donc ça c'est pas mal du tout. Par contre, je sais pas si enfin, les buzz sont publics comme les tweets sont publics, quoi. Moi, Au je sais niveau pas, de j'ai utilisé buzz, l'attitude. peut-être qu'on fera un sujet plus spécifique dessus plus tard, mais au niveau de buzz, en fait, t'as le choix un peu comme sur Twitter, tu choisis un profil plus ou moins public ou privé, et donc ensuite Ok. après, ça marche un peu comme Twitter finalement. D'accord. Ouais, parce que je sais que personnellement, je géolocalise pas mes tweets parce que n'importe qui peut y avoir accès. Alors que là, sur l'attitude, j'ai eu aucun problème vu que c'était déjà quelqu'un seul ami. Puis c'était vraiment avec une. Je gère les personnes qui peuvent me voir, quoi. C'est pas n'importe qui peut me voir. Ouais. Donc je sais que ça m'a pas du tout bien quoi là-dessus. C'est vrai que c'est pas mal parce que j'avais vu un site assez drôle entre guillemets qui utilisait la géolocalisation pour savoir si t'étais plus chez toi pour par exemple bah, piquer des trucs quoi. Oui. C'est assez Ouais, cocu c'était ça. Please Rob Me. C'était Voilà. drop me en fait. Ça c'est le genre Ça de trucs qui sont assez oui. Je sais pas si t'as vu comment ça fonctionnait, mais en fait ça croisait les sources entre par exemple Twitter, les tweets géolocalisés, et ce qui était les tweets, et avec Foursquare aussi. Donc, par exemple, quand quelqu'un tweetait bon, je pars en vacances pour 2 jours, Please Rob Me faisait une alerte comme quoi cette maison était vide pendant 2 jours, quoi. C'est pour ça, c'est ce genre de dérive. Le site il avait vraiment été créé pour montrer à quel point ça pouvait être assez grave quand même. Moi, je sais, bon, j'ai pas attendu ça, mais que je faisais attention, quoi. Donc, enfin, là, l'attitude, ça m'a pas vraiment pas gêné, quoi, comme j'ai déjà dit. C'est vrai que c'est vraiment dans un cadre familial, enfin familial ou de potes, donc Un cercle privé qu'on gère de cercle bout en privé, bout, quoi. voilà. Et donc on va enchaîner sur un service de VPN qui s'appelle StrongVPN. Donc déjà, tout d'abord, Lucas, est-ce que tu vois un petit peu ce que c'est qu'un VPN? Mais sur le papier, je vois plus ou moins ce que c'est, mais je sais pas du tout comment ça fonctionne, je m'en suis jamais servi et j'avoue que ça peut être intéressant quand même. Vas-y, si tu peux expliquer, je t'écoute. Bah alors globalement. Ça va être bon, il y a plusieurs protocoles qui sont utilisés, mais on va pas rentrer dans les détails. C'est pas très intéressant. Et donc globalement, c'est il y a par exemple un serveur, donc on va prendre l'exemple des États-Unis, à New York par exemple. Et en fait, toute notre connexion Internet va passer à travers celui-là. Donc je vais essayer d'expliquer plus clairement. Par exemple, si vous visitez twitter.com, donc twitter.com va détecter que vous avez votre IP française, donc il peut vous savoir où vous êtes, etc. Et en utilisant un service de VPN, vos informations vont dans le serveur et le serveur consulte, lui, twitter.com. Donc Twitter, en fait, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir qu'il est consulté par quelqu'un qui vient de New York. Et donc ça, c'est le premier intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est que du coup, nos données qui sont vers le serveur, donc sont cryptées, Donc le premier intérêt, donc ça permet de l'anonymat et ensuite de protéger un petit peu ses données pour pas savoir ce qu'on véhicule. Mais le fait de passer par un serveur, ça ralentit pas la connexion, parce que je veux dire. Donc là, en gros, si j'ai bien compris, c'est on envoie une requête à un serveur, par exemple aux États-Unis, qui envoie une requête à un site. Oui. Le site renvoie la requête au serveur qui nous la renvoie. Donc en fait, au lieu d'aller directement sur le site, on passe par un intermédiaire. Et le fait de passer par cet intermédiaire, ça double pas le temps de connexion ou quoi? Parce que quand je vois la connexion que j'ai, enfin, je sais pas. En fait, bah, ça dépend un petit peu des protocoles utilisés. Juste à titre d'information, il y en a à peu près deux ou trois. Genre, il y en a un qui s'appelle PPTP. Donc celui-là, par exemple, c'est tout simplement un login et un mot de passe, et on s'y connecte. Et donc celui-là est un peu plus lent, un peu moins rapide. Donc sur celui-là, ça peut dépendre un petit peu, mais des choses comme OpenVPN, là, on n'a plus besoin de login, c'est directement des fichiers qui sont configurés à l'avance. Et donc là, c'est celui que j'utilise actuellement sur le service StrongVPN. Et là, c'est vraiment très rapide. Je sens aucune différence, tout simplement, en fait, quand j'active mon VPN ou quand je le désactive. C'est aussi rapide avec ou sans. Ça dépend évidemment du service qu'on utilise. Il y a des VPN gratuits, publics, comme par exemple Hotspot Shield, si je me trompe pas. Donc ils sont gratuits, donc il y a un petit peu de pub, etc. Mais la qualité évidemment n'est pas là et ça fait que quand on veut regarder des vidéos en streaming, c'est pas toujours fluide, quoi. Mais moi je sais que c'est un petit service payant et donc du coup ça permet de vraiment avoir une bonne qualité de VPN à tout moment. Ok, et tu payes combien? En fait c'est assez compliqué. Enfin c'est assez compliqué. Il y a pas mal de griffes tarifaires, mais justement selon le protocole que tu veux utiliser. Moi j'utilise bah, du coup le OpenVPN pour avoir une bonne qualité et une connexion fiable et c'est 10 $ par mois. 10 $ par mois? 10 $ par mois. Donc avec les taux actuels ça fait à peu près 6-7 euros. 7 €. Ok. Donc c'est une petite somme, Ouais, en fait. mais c'est vrai que c'est vrai que je ne vous ai pas précisé, mais l'anonymat du coup qu'on gagne en utilisant un VPN, donc là en l'occurrence c'est remplacer son IP française par une américaine, offre quelques services, c'est-à-dire qu'il y a des sites comme Pandora ou Hulu qui proposent des services qui sont géniaux, c'est principalement de streaming audio pour Pandora et vidéo pour Hulu, qui sont complètement légaux comme service, mais uniquement pour les résidents américains. Et donc forcément, quand on n'a pas dit, ils sont géolocalisés. Donc quand ils détectent une IP française, ils n'autorisent pas. Et donc l'intérêt du VPN, c'est aussi ça, c'est pouvoir regarder, par exemple, bah, toutes les séries américaines qui sortent directement sur Hulu. Et moi, c'est principalement pour ça que j'utilise un VPN. Ouais, ça, il faudra que j'essaye. Je pense que j'essaierai un gratuit par contre. J'ai pas vraiment envie de payer pour ça pour l'instant. Mais j'essaie un gratuit et je verrai ce que ça donne. Un bon gratuit à me conseiller ou pas? Il y a Hotspot Shield qui est pas trop mal. Et j'ai vu, il y a un service qui s'appelle Hide IPVPN. Mais en fait, ils offrent Comment? des comptes. Ils ont 15 comptes par semaine. Mais c'est vraiment très dur à avoir. Ils le tweetent généralement, mais ils ont plus de 4000 followers. Donc c'est assez dur d'avoir. Généralement, quand ils tweetent, c'est déjà fini l'offre. Et pour cette seconde partie de l'émission, on va faire un petit débat sur iPhone et Android. Et on profite qu'on enregistre en même temps qu'il y a eu la keynote pour l'iPhone OS 4, si je ne me trompe pas. Ouais, mais ça. C'est bien ça. Et donc voilà, donc on va parler un petit peu de ça et le comparer avec Android. Et vu que j'ai un iPhone 3GS et donc du coup toi l'Android, ça sera que mieux. Enfin, le multitâche pour vous. Voilà. Alors Ça va par vous contre, faire un peu plaisir. d'ironie là-dedans, c'est que le multitâche ne sera que pour l'iPhone 3GS et l'iPod 3e génération, pas pour le 3G Ouais. et donc tous les modèles précédents, donc le premier iPhone et l'iPhone 3G ne supportent pas le multitâche. Ouais, donc je pourrais pas tester le multitâche sur le petit iPhone que j'ai récupéré malheureusement. Voilà, tu pourras pas tester ça. Donc bon, moi je pourrais parce que j'ai un 3G et un 3GS, donc je te dirai un petit peu ce que j'en pense de la façon dont Apple voit le multitâche. Et Ouais. moi je sais que ça m'a beaucoup manqué pour les applications, surtout comme par exemple Spotify, que j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent. Et c'est vrai que Ouais. quitter, arrêter sa musique pour pouvoir juste lire un SMS ou répondre à un SMS, enfin c'est n'importe quoi, c'est assez pénible quoi. Moi je sais que c'était bon quand j'ai testé là, parce que j'ai testé pendant 3 jours l'iPhone à fond, parce que j'ai pu en récupérer un. Et je sais que ça me faisait bizarre, par exemple, quand je chargeais une image sur Twitter, j'étais sur Twitter, je chargeais une image, et pendant que l'image se charge, j'ai l'habitude de répondre à mes SMS sur mon téléphone. Et là, en fait, à chaque fois, ça me coupait tout, fallait que je recharge tout, et c'était franchement une horreur. C'est vraiment pas pratique, quoi. Alors que sous Android, quoi, il n'y a aucun problème, juste on déroule la barre de notification qui est en haut, on lit son SMS, on répond, et on reprend où on s'était, pas où on s'était arrêté, vu que l'application continue à tourner derrière. Pareil pour les jeux. Aucun problème quoi. C'est que c'est quelque chose, moi c'est vraiment quelque chose qui me manquait. Après, c'est pas non plus très important, mais vu que je me suis vraiment mis sur Spotify et j'utilise quasiment plus du tout la musique classique quoi sur la fonction iPod quoi. Du coup, c'est vrai que bah je suis complètement dépendant de l'application et vu que cette application évidemment ne tournait pas en tâche de fond. Et donc du coup au niveau de cette keynote, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu moi finalement parce qu'il n'y avait pas de grandes annonces à part le multitâche qui pour moi n'est pas. Enfin, c'était évident, je Bah, veux dire, Android là, Windows Mobile là, je vois pourquoi si, l'iPhone n'aurait pas pu l'avoir. proposé que ça, ils ont présenté multitâche et la pub. D'ailleurs, soi-disant, Apple va nous faire aimer la pub. J'ai Ouais. du mal à y croire, mais... Ils veulent mieux intégrer les publicités finalement dans le. Enfin, Ouais, l'iPhone OS. Et. apparemment, elle serait interactive, les pubs, en plus. J'ai pas vu ce détail là. Moi, je sais que ce qui m'a choqué, je t'en avais parlé, c'est le 60% des recettes qui vont aux développeurs et du coup 40% pour Apple sur les pubs. Ouais, voilà, déjà, ouais, la C'est pub, elle est énorme. proposée sur une application, c'est qui récupère tout, quoi. C'est abusé, c'est n'importe quoi. Après, j'imagine évidemment que les développeurs auront le choix, mais c'est vrai que c'est tentant quand même de le faire et donc du coup, on va se retrouver, je pense, quand même pas mal d'applications qui. Bah, du coup, qui auront ces petites pubs. Bon, à la limite, si les pubs sont mieux intégrées, bon, pourquoi pas, mais. Sur Android, sous pas mal d'applications gratuites, on a juste un petit bandeau de pub, franchement, c'est pratiquement pas visible. Ça prend une ligne en haut ou en bas, donc on fait franchement pas attention. Puis des fois, les applis, comme assez vite dessus, genre les applis, le gestionnaire des tâches, certains petits jeux et tout, qui sont. La pub, elle est juste en écran d'accueil. Le temps que la pub se charge, j'ai fini ce que j'avais à faire, quoi. Les pubs, elles sont franchement pas gênantes, on les voit pratiquement pas, c'est presque invisible. Et là, je crains que ce soit des pubs un peu grosses pour justement que le développeur, ça lui rentabilise, parce que se faire enlever 40%, ça doit lui faire bien mal au cul. Et donc pour rentabiliser, ils vont mettre, j'ai peur des bonnes grosses pubs, et puis comme elles sont interactives, donc de devoir attendre pour les bouger et tout, je sens que ça va être bien horrible. C'est vrai que le côté application qui faisait la force entre guillemets de l'iPhone avant, moi c'est ce qui commence à me rebuter un petit peu. Et je préfère vraiment le système Android. Et on en avait parlé aussi, c'était le fait que l'application, on a 24 heures pour décider si on veut la garder ou pas et on est remboursé. Ouais, on prend Ça pas de c'est quelque risque, on chose de peut se permettre. vraiment vraiment vraiment vraiment bien. Parce que sur l'iPhone, il faut espérer qu'il y ait une version à peu près Free, Light ou tous ces trucs-là qu'ils utilisent, bon évidemment remplis de pubs, etc., avec des fonctions bridées. Donc faut espérer qu'il y ait une version comme ça, on essaye, et puis bah, il faut espérer que la version finale soit mieux. Enfin, Voilà. c'est pas terrible. Là, c'est là, on peut vraiment se faire une idée, quoi. Puis, ouais, tu télécharges l'application, tu vois vraiment tout de suite qu'il n'y a plus quoi, parce que 24 heures, ça suffit pour essayer une application à fond, quoi. Largement, largement. Puis au moins, on peut se permettre de se dire, quand tu vois l'application, bon, même si c'est pas cher, 2 ou 3 euros, quand on voit l'application à 3 euros, sur iPhone, on va se dire, putain, est-ce que je la prends ou pas? Ça se trouve, ça va pas me plaire et tout. Là, on se dit, bon, je la prends, je verrai bien si ça me plaît. Et je pense que justement, avec ce principe, on achète plus facilement les applications. Et donc on les garde aussi plus facilement, je pense quand même. C'est clairement ça. Moi, je sais que sur l'App Store, bah, j'ai enlevé ma carte de crédit du coup de l'App Store parce que chaque fois, je me demandais oh, est-ce que vraiment je vais l'acheter? Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Enfin, c'est quand même 2 euros et quelques. Enfin, on se dit, c'est pas grand-chose, 2 euros comparé au forfait Ouais, des mais... téléphones à côté. Mais mine de rien, tu fais ça pour chaque À appli. force. Bah ouais, ça commence à grimper quoi. Et je pense qu'au niveau des applis, le système d'Apple est peut-être un peu trop à mon goût. Au niveau d'Android, je crois qu'on paye, pour les développeurs, ils payent 25 $ par an et puis ils développent et leurs applications sont directement approuvées dans le store. Il n'y a pas de, justement, de personne qui approuve, c'est directement mis, etc. Et au niveau de l'iPhone, Ouais, c'est c'est à la différent. limite. C'est Apple qui décide, c'est 99 $ par an. Sur chaque appli, ils récupèrent 30% de l'argent, etc. C'est un autre business et avec les pubs maintenant ils vont récupérer 40%. C'est assez et ils ont le droit de balancer ton application si ça ne leur plaît pas Du comme ils jour ont au fait lendemain, récemment. ouais, du jour au lendemain, ils virent l'application sans aucun souci, ils se soucient pas de ça, c'est hop, ils veulent proposer un truc qui vire le wifi, qui détecte le wifi, bon, on vire toutes les applications qu'ils faisaient avant, et tant pis pour ceux qui avaient fait un business model là-dessus. Voilà, c'est ça Alors sur que Android, le j'aime seul pas, mais moyen bon. Excuse-moi. pour que l'appli soit virée d'Android, du market d'Android, pour vraiment que les utilisateurs fassent des reports spam ou un report abuse, quoi, en disant en gros Ouais, que voilà, l'application qui viole entre guillemets elle est la pas charte ou adaptée. des choses comme ça. Et après, au niveau du market Android, bien mieux fait que l'App Store. Sur le market Android, tu arrives, tu as le côté application, le côté jeu. Tu sais tout de suite en fait ce que dans quoi tu vas aller chercher. Sur l'App Store, là, quand j'ai testé, il y avait jeu, après il y avait divertissement, médecin, il y avait mes 20 000 trucs différents déjà. Et donc chacune de ces trucs, il y avait encore des sous-catégories. Ça rendait fou. Ça, je Alors que suis là, assez d'accord avec toi, les catégories, c'est moi je suis paumé là-dedans quoi. En plus, il y a vraiment des choses qui font vraiment doublon parce que pour moi, jeu et divertissement, je fais pas très très bien la différence quoi. Divertissement, on Ouais, peut mais avoir un sur peu le le côté marché. musique, mais il y a une autre catégorie qui s'appelle plus ou moins musique. Donc c'est vraiment il y a énormément de catégories et au final, on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans et Ouais, je trouve qu'on se perd plus qu'autre chose, quoi. Le ouais. marché. Tout de suite, moi je sais, il y a des jours, je me dis, tiens, j'ai envie de trouver un nouveau jeu. Je vais dans les jeux, je regarde les nouveautés. Un jour, je me dis, putain, faudrait que je trouve un nouvel utilitaire. Tiens, je vais direct dans le côté application. Puis après, dans le côté application, j'ai quand même des sous-catégories. Pareil pour jeu, je sais dans quel type de jeu si je veux être plus précis, quoi. J'ai pas à chercher parmi les trucs. Là, quand j'ai testé l'iPhone, je voulais voir un peu, je me suis dit, bon, je vais voir les applications. Il y avait tellement de catégories, j'ai juste téléchargé trois clients Twitter et puis j'ai arrêté, quoi. Puis en plus, l'App Store, il est vraiment lourd. Il est certes beau, ils ont voulu faire un truc beau, mais il est super lent. J'ai lancé l'App Store en Wi-Fi, sur un iPhone 2G, mais bon, c'était quand même en Wi-Fi. Et il a mis plus de temps à se charger l'App Store que le market sur mon téléphone en GPRS, même pas en Edge. Donc c'est grand, il y a un problème quoi. Je sais qu'il est beaucoup plus rapide sur le 3GS que sur le 3G par exemple, mais c'est Ouais, vrai mais quand qu'il est même. lourd. C'est vrai qu'il est lourd. Même en Wi-Fi, quoi, j'étais impressionné par la Je différence. vois, Il ouais, y avait même en une ou Wi-Fi, deux c'est vrai que moi, il secondes. met quand même un certain temps quand même. Enfin, c'est pas non plus une attente super longue, mais je veux dire, il met peut-être Ouais, non, mais 3-4 je veux dire, secondes ou. pour un téléphone mobile et une boîte qui prétend l'expérience utilisateur ultime, enfin, c'est pas si ultime que ça, Non, quoi. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Comme pour revenir sur le multitâche, l'expérience utilisateur ultime, on est obligé de choisir entre écrire un SMS, écouter sa musique sur Spotify. Enfin, il y a d'autres exemples comme ça. Bon, c'est vrai qu'ils ont changé ça, bah, de toute façon ils pouvaient pas se permettre avec tous les OS mobiles maintenant qui ont cette option-là, parce que Ouais. c'est une option évidente. Ils pouvaient pas se permettre d'être les seuls dans leur coin, ils étaient obligés. Et c'est finalement un des seuls arguments qu'ils ont vendu pour l'OS 4. Ça, la pub, mais la pub est pas tout à fait fait partie de l'OS, c'est plus leur Ouais. plateforme, disons, App Store, iTunes. Ils ont présenté le SDK, mais ça, le SDK, c'est plus pour les développeurs, pas pour Oui, l'utilisateur. Ils voilà. voient pas les différences du SDK. Puis pour après, pour la personnalisation de l'iPhone, c'est vraiment pauvre. Hein. C'est ce Les qui écrans manque. noirs. Ils en ont pas parlé là, j'ai pas vu de. Ouais, mais bon, le 3.2, on sait que par rapport à l'iPad, le 3.2, on sait qu'on pourra changer les fonds d'écran. Bah, ils l'ont dit, on pourra changer le fond d'écran. Et aussi mettre des icônes dans un dossier. Oui, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Enfin, c'est pas une fonctionnalité majeure, mais en fait c'est plein de petites choses, enfin de petits éléments qui sont intéressants, mais qui sont pas vraiment dignes d'une évolution de 3.0 à 4.0 quoi, Ouais. Je enfin trouve c'est que de plein toute de petites façon, choses comme ça. je trouve que depuis le début de l'iPhone, de toute façon, ils proposent tout le temps juste des petits trucs qui auraient dû être là depuis le début, quoi. C'est-à-dire le fait de pouvoir changer un fond d'écran, je veux dire, depuis mon premier téléphone, je pouvais déjà changer le fond d'écran. Même sur un 3310, on changeait le fond d'écran. Sur l'iPhone, tout le monde à la même enseigne, le fond d'écran noir, quoi. Bon, en Pareil fait. pour le multitâche, pareil pour les icônes, on peut même pas les placer où on veut, c'est tout sur la grille, quoi. Sur une grille en partant d'en haut à gauche. Je comprends tout Je à fait trouve ce que ça tu dis, triste. mais c'est vrai que là actuellement, ils font un iPhone par an, donc depuis 2007, donc cette année on va en avoir un, si tout va bien, donc à peu près sur la keynote de juin. Et c'est vrai que faut aussi d'un côté les comprendre, parce qu'à part le hardware, au niveau software, il faut bien qu'ils puissent mettre des choses dedans, quoi, parce qu'ici ils sortent un nouvel OS avec juste correction de bugs et ajout de quoi, de trois petits trucs. C'est vrai que il faut qu'ils gardent quelque chose en fait sous le coude à présenter comme étant super innovation quoi. Tu vois ce que je veux dire? Presque, je trouve ça lame autant que Ouais, toi, non, c'est mais vrai, mais. moi, vous, ça aussi, hein, faire le copier-coller comme argument de vente, je trouvais ça un peu Ça a ridicule, été quoi. un assez gros Autant que les argument dans commentaires, sur le S3. autant les commentaires qui disaient, ouais, c'est pas normal qu'il n'y ait pas le copier-coller, autant après, ils ont fait l'extrême, ils ont fait une pub sur le copier-coller, quoi. Mais avant, autant avant, l'iPhone, il me plaisait énormément, mais bon, depuis qu'il y a Android, franchement, j'ai aucune raison de retourner sous iPhone, quoi. Là, puis Non, en c'est vrai plus, que j'ai vraiment la testé partie... en étant. Vas-y. Le fait en étant sous Android depuis 2 mois et passer sous iPhone, pour voir vraiment qu'est-ce qui me manquait dans l'ensemble, je reconnais que l'iPhone c'est un bon téléphone, mais une fois qu'on a testé Android ou je pense même d'autres OS, revenir à l'iPhone c'est un peu compliqué quoi. Il manque trop de choses. En fait, Il c'est ça, compte c'est le problème, petit à c'est petit sur qu'il Apple l'application. qui vraiment qui t'empêche, t'es un peu emprisonné, disons, dans une certaine configuration, et à moins de le jailbreak, là, t'as vraiment après des possibilités derrière, mais à moins de le jailbreak, c'est vrai qu'on est assez... On a l'impression d'être bridé, en fait, d'avoir un petit smartphone qui pourrait faire pas mal de choses, mais qui est un petit peu Ah, il bridé pourrait faire par l'OS. énormément de choses, même. Ah, c'est sûr qu'il pourrait faire énormément de choses. Hein. Je vois mes téléphones sous mon téléphone sous Android qui est pas extrêmement puissant au niveau hardware. Ah, je peux faire vraiment tout ce que je veux avec. Je peux jouer, je peux aller sur Internet tranquillement. Alors, sur Internet, je peux choisir mon navigateur Ouais, ça c'est en vrai propre. qu'on n'en a pas parlé, mais il y a Opera Mini qui est censé être validé Ah, cette mais il passera semaine. pas. De toute Après, façon, je faut pense pas qu'il se sera pas leurrer. Hein. validé. Opera Mini, il passera pas. Hein. Je pense qu'il sera pas validé. Ouais. Et Il c'est sera pas dommage quoi, on validé. n'a pas cette Ah, mais... diversité qu'on peut avoir dans les Sur autres Android, systèmes tu as testé d'exploitation. trois navigateurs différents, quoi. Les seules applications sur iPhone où on a un navigateur alternatif, c'est les applications Twitter, en fait, pour pouvoir charger les liens. Ouais, mais je Parce pense que qu'ils d'ailleurs, je utilisent me pas demandais... encore Safari. Ouais, mais je me demandais d'ailleurs comment ils allaient faire sans qu'il y ait le multitâche pour envoyer sur les liens. Oui, ils ont leur navigateur intégré. C'est une Non, bonne t'aurais dû idée, mais utiliser la c'est fonction pas super copier-coller. réussi, quoi. Ouais, super pour copier-coller, donc à chaque fois, il faut faire sa timeline, et puis à chaque fois, il faut la recharger complètement. C'est génial, hein. Donc c'est vrai qu'on est assez d'accord là-dessus. Dommage que Mathieu n'est pas là pour défendre, même s'il a un BlackBerry, c'est vrai, mais il n'est pas là pour défendre Apple et l'iPhone. Ouais, mais puis, le fait qu'il ait un BlackBerry aurait pu nous donner aussi une autre vision quand même, parce que le BlackBerry, j'avoue qu'il m'a fait pas mal de, il m'a fait de l'œil, mais j'ai quand même craqué pour un Android quoi. Le BlackBerry, Tu as j'aimerais bien bien fait. vraiment voir ce que ça donne. En plus, c'est BlackBerry, en c'est vrai train de que c'est d'exploser le sympa. BlackBerry. Depuis peu, ils ont un store, donc c'est vrai qu'on peut installer des applications. Apparemment, c'est très cher comparé aux autres. Ouais. Je pense qu'il n'est pas Ouais, encore prêt. d'ailleurs, bon, en conclusion, je dirais que l'iPhone reste un très bon téléphone, mais Android le surclasse quand même. On va dire que Android surpasse l'OS, disons, d'Apple, par son côté libre, quoi, en Ouais. fait. C'est ça, quoi. Niveau software, oui. On fait Parce que c'est vraiment vrai ce qu'on qu'Android, veut, quoi. niveau Il hardware, n'y a c'est un peu tous les téléphones, entre guillemets, donc on a un peu de mal à... personne. Mais Android, au moins, c'est. Niveau soft, bon, déjà, c'est personnalisable à 100%. On fait vraiment ce qu'on veut avec, quoi. Et il n'y a pas besoin de le jailbreaker pour en profiter à 100%. Ok, bah je crois que ça va être tout pour notre petit débat Android iPhone. Et donc, bah, ce sera tout pour cet épisode. Et vous pouvez évidemment nous retrouver sur lesprojetsduweb.fr, sur iTunes évidemment, et aussi sur Twitter. Donc, pour moi, c'est Kamphis, Khamphis. Et pour toi, Moi, Lucas, switcher sur Android. c'est Loukous, Loukous2SE, enfin SSE. Au revoir à tous! Au revoir à tous, à la prochaine. Switcher sur Android.